إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, inshallah, bi'idhnillah, nous allons traiter d'un sujet qui est essentiel, et c'est en fait un rappel, surtout en ce mois du Ramadan, et qui va concerner al-ikhlas, as-soum ou al-ikhlas, c'est-à-dire le jeûne, et al-ikhlas, la pure intention. Et ce qu'on veut dans ce rappel, pour moi et pour mes frères et mes sœurs, c'est comment le jeûne a une influence réelle dans l'acquisition de ce qu'on appelle al-ikhlas, dans ce qu'on appelle al-ikhlas. Et al-ikhlas, toujours on en parlera, et toujours il faudra répéter. Et je me rappelle d'un des frères qui étudiait avec moi à Médine et qui un jour me disait, subhanallah, dans les débuts de l'iltizam, une fois que j'ai su ce qu'était l'ikhlas, c'est-à-dire qu'on m'a appris de façon théorique ce qu'était l'ikhlas et qu'est-ce que ça concernait et quel était son domaine d'application, il me disait, je comprenais pas pourquoi à chaque fois les savants, ils répétaient l'ikhlas, il nous rappelait cet ikhlas, c'est-à-dire un rappel continu, tout le temps, même les grands savants qui rappelaient leurs grands élèves de ce point-là. Et après, bien entendu, après avoir commencé à apprendre la science et vraiment se rendre compte de son importance fondamentale, là réellement il s'est rendu compte ce qu'était l'ikhlas et que ce rappel était vital pour le croyant. Un rappel qui doit être constant et qui est réellement vital pour le croyant, parce que tout repose chez le croyant, comme on va le voir, tout repose sur son ikhlas. Si son ikhlas va, tout va, et si son ikhlas ne va pas, rien ne va. Wallah al-musta'an. Al-ikhlas comme le souffle de vie pour le croyant. Donc ce rappel, il est plus que nécessaire pour moi-même et pour mes frères et mes sœurs. Et lorsqu'on se rappelle cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et qui va mettre le point sur l'importance et le mérite de l'ikhlas, yaqul Cheikh al-Islam, mutahaddithan 'an al-ikhlas wa fadlihi wa ahammiyatihi, yaqul rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. Comme l'avait rappelé il y a deux semaines de cela Cheikh Abdel Malik Ramadani dans un de ses cours, il disait pourquoi on appelait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam. Pourquoi on l'appelait Cheikh al-Islam? C'est bien sûr un istilah, c'est donc une convention qui est utilisée pour dénommer ce grand savant de l'islam. Et pourquoi Cheikh al-Islam? C'est tout simplement que le Cheikh, lorsqu'il parlait dans une fi fan min funun al-Sharia, c'est-à-dire dans une catégorie ou dans une science parmi toutes les sciences qu'englobe al-Sharia, lorsqu'il parlait, lorsqu'il levait sa plume puis écrivait, alors on aurait dit que c'était le seul qui maîtrisait réellement cette science et que c'était le maître dans cette science par rapport à ses connaissances qui étaient très amples. Et cela dans toutes les catégories et dans toutes les sciences, que ce soit la langue arabe, que ce soit la science du tawhid, que ce soit la croyance de façon générale, que ce soit le fiqh, que ce soit usul al-fiqh, la jurisprudence, les bases de la jurisprudence, et toutes les autres encore, toutes les autres catégories et sciences que l'on connaît dans l'islam, lorsqu'il parlait dans une de ces sciences, on aurait dit que c'était lui le maître dans cette science. C'est-à-dire qu'on ne pouvait dire qu'il était plus fort ici qu'à un autre endroit. Subhanallah. C'est pour cela qu'il a été nommé ainsi. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Yaqul, ce grand savant qui a donc maîtrisé toutes ces sciences. Regardez ce qu'il nous dit. Bal ikhlasu ad-din lillah huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwa. C'est-à-dire l'ikhlas, la pure intention, donc le culte exclusif qui va être voué à Allah Azzawajal, c'est ça la religion. Huwa ad-din, c'est la religion alladhi la yaqbalu Allahu siwa. C'est la religion dont Allah Azzawajal n'accepte pas autre que celle-là, que cette religion-là. Ikhlasu ad-din, la pureté d'intention dans la religion exclusive, vouer une religion qui va être exclusive à Allah Azzawajal. Huwa alladhi ba'atha bil awwalin wal akhirin min ar-rusul. C'est par cela donc qu'il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala les premiers et les derniers parmi les envoyés dans ce but-là. Wa anzala bi jami' al-kutub, et qu'il a fait descendre l'ensemble des livres dans ce but-là, al-ikhlas. Wa ittafaqa 'alayhi a'immatu ahli al-iman, et que se sont mis unanimement d'accord les imams parmi les gens de la foi. Wa huwa khulasa ad-da'wati an-nabawiyyah. C'est l'essentiel de prêche prophétique. Wa khulasa ad-da'wati an-nabawiyyah. C'est l'essentiel du prêche prophétique. Donc si on a compris cela, on va comprendre pourquoi on insiste tout le temps et pourquoi ce rappel il est plus que fructueux pour le véritable croyant, celui qui s'en tire profit. Et à tout moment. Et ensuite, il a dit plus loin, cher al-Islam, قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. C'est ainsi donc afin que nous écartons de lui le mauvais. As-su, tout ce qui rentre dans ce qui est mauvais, ce qui est considéré mauvais aux yeux de la religion. As-su wal-fahsha, et la turpitude. إنه من عبادنا المخلصين. Donc il faisait partie, lui, Youssouf, de nos esclaves, de nos serviteurs, qui ont, eux, concrétisé l'ikhlas comme il se devait. Al-mukhlasin. Min ibadina al-mukhlasin. Regarde comme Allah Azzawajal, il a nommé Youssouf. Et ceux qui ont été avec lui, qui ont été dans ce camp, al-mukhlasin. Allahumma ajjalna minhum. Yaqul al-shir, fallahu yasrifu an abdihi ma yasu'uhu min al-mayli ila suwari al-muharramah wa ta'alluqi biha. Donc il nous dit qu'Allah Azzawajal a écarté ou écarte de ses esclaves ou de son esclave ma yasu'uhu min al-mayli ila suwari al-muharrama, c'est-à-dire ce qui va le nuire comme penchant vers les cas interdits, lorsqu'il va donc se pencher vers les cas interdits, il va donc le dévier de cela, il va l'écarter de cela, il va écarter son serviteur de cela, de tout ce qui le nuit comme penchant vers les cas interdits. Le fait de se raccrocher à cela, à ces cas qui sont interdits. Wa yasrifu anhu al-fahsha, et également, il va l'écarter de la turpitude. Et dans le cas de Youssouf, tout le monde connaît l'histoire de Youssouf. Bi ikhlasihi lillah, c'est-à-dire de par son ikhlas. Youssouf, lorsque cette femme s'est présentée à lui, une femme belle, une femme qui a notoriété, une femme qui a l'un des plus hauts rangs dans la société, tout ce qui peut appeler l'homme à commettre la turpitude avec une femme qui va nous appeler. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques vont être réunies dans cette femme. Et pourtant, Allah Azzawajal lui a montré. Et il l'a écarté de cela. Pourquoi ? Il nous dit ici le shir, bi ikhlasi lillah. C'est-à-dire que si Allah Azzawajal ne l'avait pas écarté, et que si Allah Azzawajal n'écartait pas de tous ceux qui sont vraiment mukhlis, ne les écartait pas de ces occasions qui se présentent et qui sont un grand appel au fahsha, à la turpitude, alors à part lui, à part Allah Azzawajal, rien ne pourrait les empêcher de tomber dedans. Tant la facilité est présente, Allah al-Musta'an. Bi ikhlasi lillah, de par son ikhlas, Allah Azzawajal l'a écarté de ce mal. Et a écarté de même donc tous les croyants qui vont se caractériser par cette caractéristique essentielle et fondamentale, al-ikhlas. Et ensuite il dit, cher l'islam, wa lihada yakun qabla an yadhuq halawat al-ubudiyyati lillah wal ikhlas lahu, c'est-à-dire il nous dit le cheikh que cela, bien entendu, avant que la personne elle goûte à la douceur de cette ubudiyya, de cette adoration qui va être donc vouée à Allah azza wa jalla uniquement, lorsqu'elle goûte la personne réellement, ou avant qu'elle goûte réellement à cela, et lorsqu'elle a vraiment un ikhlas qui va être pur, wa lihada yakun qabla an yadhuq halawat al-ubudiyyati lillah al-ubudiyyati lillah wal ikhlas lahu haythu taghlibu nafsuhu ala ittiba'i hawaha, c'est-à-dire que dans le sens où son âme va l'emporter sur lui dans le suivi des passions, ou des passions qu'elle a, cette âme là particulièrement elle. Fa idha dhaqa ta'am al-ikhlas, par contre ça c'est avant qu'il goûte réellement à la douceur et au vrai goût de l'ikhlas, de la pureté d'intention, al-ikhlas. Fa idha dhaqa ta'am al-ikhlas, s'il goûte alors, après cela, cette douceur qu'il va trouver dans Al-Ikhlas, alors son cœur va se renforcer. Et son âme sera sans aucun remède contrainte et soumise. Sans aucun remède. Contrainte et soumise à Allah Azzawajal. C'est-à-dire aux ordres d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc regardez cette parole qui nous est dite par Cheikh Al-Islam et qui nous fait comprendre donc l'importance de Al-Ikhlas, et que par celle-là, c'est ce qu'on en tire, on tire profit ici, qu'Allah Azzawajal, de par notre Ikhlas, il va nous écarter, c'est lui qui va nous écarter de tomber dans le mal et de tomber dans la turpitude. Et si on revenait à ce terme Al-Ikhlas, comme certains des savants nous en donnent définition, ou at-tasfiyatul amal, c'est-à-dire donc c'est la purification de l'acte, min kulli sha'ibatin tashubu. C'est donc la purification de l'acte de tout ce qui va polluer, bien entendu, l'âme. Min kulli sha'iba tashubu, de tout ce qui va polluer l'âme. Wa sha'iba, c'est-à-dire ce qui donc pollue cette âme-là, elle peut prendre plusieurs formes. Et c'est donc ce qui va aller à l'encontre même de cette ikhlas, qui est bien entendu avant toute chose un shirk, le polythéisme. Mais également lorsqu'on cherche à plaire aux gens et que notre image soit embellie dans leur cœur, ça c'est également un sha'iba, c'est ce qui pollue également le cœur de l'homme. Donc de par l'ikhlas et de par ce travail qu'on va faire afin de l'acquérir, c'est une tasfiya, c'est une purification. Et également le madh, c'est-à-dire chercher l'éloge auprès des gens, ou alors chercher à s'écarter de leurs critiques, et également chercher leur vénération, au ta'zim. Mais également ils rentrent dans cela, dans un hadith al-shawa'ib, chercher leur bien, chercher leur service, chercher leur amour, et ce dont on a besoin de manière plus générale auprès d'eux. Tout ça, ça vient à l'encontre de cet ikhlas. Et l'ikhlas tourne autour de cela. Donc c'est la purification de tous ces facteurs perturbateurs. Wallah al-musta'an. Et quel va être al-ba'ith ala al-amal? Al-ba'ith ala al-amal. Qu'est-ce qui va donc nous pousser? Ce facteur qui va donc nous pousser à travailler et donc à concrétiser cet ikhlas, c'est se conformer aux ordres d'Allah et vouloir Allah. Qu'on dit vouloir Allah, c'est bien sûr sa satisfaction. Sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et si en plus, et ensuite, l'homme aspire aux délices de l'au-delà, alors bien entendu, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et combien de versets du Coran sont descendus en nous motivant, en nous rappelant tous les bienfaits qu'il y a dans l'au-delà pour celui réellement qui a cru, pour celui qui a concrétisé donc son ikhlas, pour celui qui a accompli les bonnes actions, combien de versets qui sont innombrables et qui sont présents dans le Coran et qui nous invitent donc à cela et qui nous qui nous fait désirer cette part qu'il y a dans l'au-delà pour celui qui la mérite. Et bien entendu, le plus haut de ces délices, comme cela est la croyance des gens de la sunna et du consensus, le plus haut de ces délices, ce n'est pas le paradis en lui-même, mais c'est la vue qu'on va avoir, que vont avoir les croyants dans l'au-delà, la vue d'Allah. C'est-à-dire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Ça, c'est la plus grande des récompenses et c'est le plus grand des délices, bien au-dessus encore du paradis, bien au-dessus du paradis lui-même. Et également, il n'y a pas de mal pour ce qui est également de l'ikhlas et de chercher à acquérir cet ikhlas, que l'acteur pense, donc celui qui agit, qu'il pense ou vienne à son esprit que l'acte pieux aura donc une conséquence qui va être noble et fructueuse dans cette vie d'ici-bas même, dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'il va en tirer profit même de cet ikhlas dans cette vie d'ici-bas. S'il pense à ça et si ça lui vient à son esprit, la haraj, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Comme par exemple, tuma'ninatun nafs, c'est-à-dire l'apaisement du cœur. Inam. La personne qui va acquérir cet ikhlas, son cœur va être apaisé. Ça, c'est un bien qu'on va retrouver. Et c'est un délice qu'on va retrouver dans nous-mêmes, dans notre foi intérieure, dans notre cœur. Et c'est une conséquence, c'est un effet de cet ikhlas. Y penser, rien de mal à l'acquérir cela. Et également son salut de tout ce qui peut effrayer. Et également, c'est-à-dire également se protéger, se préserver, la préservation de son âme, de soi-même, de tout ce qui va le rabaisser et qui donc va à l'encontre de son honneur. Al-Mukhlis, de par son ikhlas également, il va se détourner de cela. Il va se détourner et il va s'écarter de tout ce qui va le rabaisser par rapport à l'khalq, par rapport aux gens. Et bien entendu, il est venu. Et ici, on a également une indication qui nous est venue dans ce hadith, le hadith que tout le monde apprend et qui se trouve fil Arba'in al-Nawawiyya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa min hadith al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala an wa and al-Shaykhain and al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul fa min ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a lid-dinihi wa 'irdihi, c'est-à-dire celui qui s'écarte donc des shubuhat, des choses qui sont ambiguës. فقد استبرا للدين et bien sûr istabra طرب البراء هو طرب البراء, c'est-à-dire qui a cherché l'innocence et donc cherché à préserver sa religion. Et le prophète nous le dit, lidini wa irdih, également son honneur, sa religion et son honneur. Et de par cet ikhlas, la personne, et ça c'est également une des conséquences, que la personne va y penser à cela, qu'il va protéger également son honneur. Et donc, c'est un bienfait qui lui vient et qui advient déjà dans cette vie d'ici-bas, en plus de la récompense qu'il aura dans l'au-delà. Donc, pas de mal, et ça, ça ne vient pas à l'encontre de l'ikhlas. Et également, tous les autres bienfaits qui vont se réaliser suite à l'accomplissement de ses actes. Et également, al-miza, un des grands bienfaits de l'ikhlas, c'est qu'elle va augmenter, cette envie d'accomplir. Cette envie qu'a l'âme d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance, également, énorme. Plus la personne elle est mukhlis, et plus cet ikhlas va générer donc cette envie d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance. Et également ce que l'on rappelle par rapport à son importance à l'ikhlas. Et ça, ça suffit pour prouver également son importance. Quelle est l'une des conditions d'acceptation? Quelle est une des conditions d'acceptation de l'acte? C'est-à-dire que l'acte ne sera jamais accepté auprès d'Allah Azzawajal si cette condition n'est pas requise. Al-Ikhlas. Wa yaqul Allah Azzawajal wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin hunafa. Nous avons donc wa ma umiru illa liya'budu. Donc nous leur avons ordonné que d'adorer Allah Azzawajal. Qu'Allah mukhlisina lahuddin, en lui vouant bien sûr un culte qui est exclusif, en étant donc mukhlis, c'est-à-dire en ayant l'ikhlas. Hunafa, qui est le pluriel de Hanif, et donc al-mail an al-shirk wa kullu ma yata'allaq bi, c'est-à-dire délaisser et s'écarter totalement de tout ce qui est en relation avec le shirk, tout ce qui s'y rattache. Donc ça revient également à l'ikhlas, hunafa. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jalla yaqul fil hadith al-qudsi ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk faman 'amila 'amalan, celui qui va donc accomplir une œuvre fa ashraka fihi ghayri, et qui va, dans cette œuvre-là, va me donner un associé, à travers cette œuvre-là, qui va me donner un associé, un autre que moi. فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ comme cela est venu dans une des versions de l'imam muslim. فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. C'est-à-dire que je suis innocent de ce qu'il a fait. C'est-à-dire donc que je m'en écarte et que je ne l'accepte pas nullement, cet acte-là. وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. Il sera pour celui donc à qui il m'a donné un associé. Et qui donc ne lui sera d'aucun profit. Que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans le-delà. On a parlé de l'ikhlas et on parle de l'ikhlas. Mais on a dit également l'ikhlas et le jeûne. Et on a dit la relation qu'il y avait entre les deux. Et on voit que le jeûne, lorsqu'on réfléchit, et lorsque nous-mêmes, lorsqu'on accomplit ce jeûne-là, avec l'expérience, on va s'apercevoir, pour celui bien entendu qui a accompli le jeûne comme il se doit, qu'il a le jeûne a un effet primordial, fondamental, essentiel dans l'éducation de l'âme devant cet ikhlas. C'est-à-dire que l'homme, le jeûneur, lorsqu'il jeûne, ce jeûne-là va éduquer son âme. Va éduquer son âme à l'acquisition même de cet ikhlas. Et bien entendu, lorsqu'on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui donc qui a jeûné durant le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et en ayant certitude de cette obligation. Donc on voit ici avec une foi qui va reposer sur cet ikhlas même. Et également dans l'autre hadith, lorsque le prophète sallam yaqul, et lorsqu'il nous informe qu'Allah azza wa jalla dit dans le hadith al-Qudsi, yada' shahwatahu وطعامه وشرابه من أجل الله أو في رواية من أجله. C'est-à-dire qu'il va délaisser non seulement shahwa, les désirs, il va délaisser également sa nourriture et il va délaisser également sa boisson en vue d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici mukhlis, c'est-à-dire avec ikhlas. Et comment on va comprendre cela? Il faut savoir que les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent les savants? Certains savants disent As-Soum la yadkhulu ar-riya bimujarrad fi'lihi. Innama yadkhulu ar-riya min jihati al-ikhbar 'anhu. Beaucoup de savants disent en fait que le jeûne, l'ostentation qui est ar-riya, As-Soum et l'ostentation, donc l'ostentation ne rentre pas dans cet acte-là qui est As-Soum bimujarrad fi'lihi. C'est-à-dire de par l'acte qui est fait. Bimujarrad fi'li, c'est-à-dire uniquement l'acte. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Ça veut tout simplement dire que la personne, lorsqu'elle fait son jeûne, de par cet acte-là, uniquement de par cet acte-là, bimujarrad fi'li, uniquement de par cet acte-là, le riya ne peut rentrer, c'est-à-dire l'ostentation ne peut rentrer. Taïb. Et pourquoi cela? Parce que lorsqu'il jeûne, personne n'est censé savoir qu'il va jeûner, cette personne-là. Taïb. Personne n'est censé savoir qu'il va jeûner. Il peut très bien se cacher, aller dans un endroit où personne ne voit et manger. Taïb. Donc, de par juste l'acte, le riya ne peut rentrer dedans. Sauf, les savants disent, innama yadkhulu ar-riya min jihati al-ikhbari 'anhu. Uniquement lorsqu'il va informer de cet acte-là. Lorsque donc l'information va sortir de sa bouche, lorsqu'il va informer, moi je suis jeûneur, puis jeûneur, donc je jeûne. C'est à ce moment-là donc que le riya peut rentrer, que l'ostentation peut rentrer et toucher le cœur de l'homme. Mais bimujarrad al-fi'l, c'est-à-dire la personne qui jeûne sans informer personne, alors ici le riya ne peut rentrer. Donc on voit par rapport à cela l'importance du jeûne et l'importance qu'il a dans l'éducation de l'âme par rapport à l'ikhlas. Éduquer donc l'âme à acquérir cet ikhlas, cette pureté d'intention. Et également, comme nous le cite Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il explique ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, le hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, « Man qama laylat al-qadr » Celui donc qui se lève et qui accomplit donc ce qu'il faut accomplir durant cette nuit-là, « Laylat al-qadr » la nuit donc de la destinée. « Imanan wa ihtisaban ghufila lahu ma taqaddama min dhanbi » ghufila lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan, إيمانا يقول ابن حجر أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه, c'est-à-dire qu'il va croire et qu'il va reconnaître de son fort intérieur la promesse d'Allah عز وجل qu'il a fait comme récompense, donc par rapport à cet acte-là. واحتسابا, ça c'est pour ce qui est إيمانا, واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه, c'est-à-dire donc demander, talaban il ajar, c'est-à-dire la demande ici qui va être faite de la récompense, irtisaban, c'est-à-dire qu'il va demander de par cet acte-là la récompense, de par cet acte-là. La liqasdin akhar min riya'in wa nahwi, c'est-à-dire autre que, ou qu'une volonté qui serait donc autre que celle-là, et qui rentrerait ici donc dans riya. Et également il nous dit, Ibn Hajar, à propos de ce hadith qu'on vient de citer, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari également, والذي نفسي بيدي لا خلوف فم الصائم تشبع عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشر امثالها. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar dans ce hadith? Lorsque dans ce hadith qudsi, Allah azza wa jalla dit يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل, il a délaissé la nourriture, il a délaissé la boisson et son désir également en ma vue, pour moi, en vue de ma satisfaction et également de la récompense. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar? يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هكذا وقع هنا ووقع في الموطأ, c'est-à-dire dans une des versions qui se trouve dans Al-Muwatta de l'imam Malik, إنما وإنما يذر شهوته, c'est-à-dire qu'il va uniquement délaisser son désir. Donc ici une forme restrictive qui va être, qui se transforme ici par l'emploi dans cette version du hadith de innama wa innama yadharu shahwatahu wa lam yusarrih bi nisbatihi ila Allah lil ilmi bih wa adam al ishkal fihi, c'est-à-dire que lorsque la personne ici elle jeûne tayyib et qu'elle va donc s'abstenir de son désir, il nous fait part et nous rappelle Ibn Hajar que dans cette version il n'a pas été dit li, c'est-à-dire « aou min ajli », c'est-à-dire qu'ici il n'a pas été dit « min ajli » comme dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, « min ajli », c'est-à-dire dans mon but. Et pourquoi il dit ça? Qu'en est-elle de la sagesse dans cela? Il nous dit « l'ilmi bih », c'est-à-dire qu'on a science de cela, et que c'est une chose donc qui est évidente, et qu'il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cela. « Wa adam al-ishka alifi ». Pourquoi? Parce que la personne, elle jeûne en vue d'Allah. « Wa qala rahimullah », il dit également « rahimullah », وقد يفهم من صيغة الحصر. Donc comme on en dit, cette forme restrictive qui a été utilisée et que l'on trouve dans إنما في قوله إنما يذر التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك والإخلاص الخاص به. C'est-à-dire que ici il est une mise en évidence qui va être faite par rapport à la direction. Et cette direction, bien entendu, lorsqu'on le shir, il dit al-jiha, cette direction donc qui est en vue d'Allah, donc se diriger vers Allah azawajal, en vue d'Allah. Allati biha yastahiqqu as-sa'im dhalik, c'est-à-dire de par cela, de par cette direction, le jeûneur il va mériter ce qu'il mérite comme récompense et autre. Wa wal ikhlasu al-khassu bih. Et c'est quoi ici? Ça se transforme ici en par quoi? Il nous dit le shir wal ikhlas ul khasubi, c'est-à-dire donc cet ikhlas qui est spécialement pour lui, pour Allah azawajal. Hatta law kana tarku al mafkurat lil gharab akhar kat tukhmati la yahsul lis sa'im al fadl al mafkur, c'est-à-dire que si la personne elle avait jeûné pour un autre but, par exemple à titre, il nous rappelle la digestion. Une personne qui a une indigestion, donc elle fait un jeûne par rapport à cela, unique et pas en vue d'Allah, qui n'a rien à voir en fait avec l'ikhlas ou fait en vue d'Allah azawajal. La yahsul lis-saim al-fadl al-mafkur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, ou que le saim n'obtiendra aucunement ce fadl et ce mérite qui a été donc cité dans le hadith. Et ça, c'est une chose qui est claire. Donc la personne qui jeûne, pas pour une de ses raisons, qui est, par exemple, qui serait malade d'une indigestion, ou pour perdre des poids, ou etc., ou parce que le docteur l'a prescrit, etc., mais qui jeûne en vue de cette adoration uniquement et pour plaire à Allah Azza wa Jalla, alors lui, il va acquérir cela, il va acquérir donc cette récompense. Donc on voit ici l'intérêt de cette forme restrictive. Innama yadharu shahwata, comme c'est dans la version de l'imam fil muwatta de l'imam Malik rahmatullah alayh. Ensuite, ce que l'on cite également par rapport à ce qui est de l'ikhlas, c'est que l'ikhlas a une influence de premier ordre dans la facilité des affaires pour l'homme qu'il entreprend, bien entendu, et ce qui reste dans le domaine du licite, que ce soit au niveau de l'individu, au niveau de la société. Ça, c'est un point également qui est important. Pourquoi ? Parce que l'homme, lorsque réellement il est mukhlis, il a une ikhlas et qu'il commence ses actes, à faire ses actes et à accomplir ses affaires, alors il va s'apercevoir qu'il a une grande facilité dans cela et que les portes elles lui sont ouvertes. Un des effets ou un des résultats de son ikhlas, contrairement à celui qui n'est pas mukhlis. Et on va voir que lorsqu'il fait ses actes, il va ressentir l'étroitesse et également il va ressentir ou il va voir devant lui la difficulté. Alors à ce moment là il faut qu'il se rappelle que son ikhlas est à revoir. Et également, ce que l'on rappelle par rapport à l'ikhlas, c'est qu'elle apporte motivation. Elle rattache le cœur. C'est donc comme un moteur, un souffle de vie pour le croyant. Et c'est ce qui va permettre réellement au croyant d'atteindre les buts et les objectifs qu'il s'est fixés lui. Et donc l'ikhlas, c'est celle qui élève l'homme au plus haut degré. Fala yuqdim ala amalin illa wa huwa mustamsik bi urwatihi al-wuthqa. C'est-à-dire qu'il n'entreprenne pas un acte sans qu'il soit accroché fermement à son anse la plus solide, et qui est bien sûr, qui se traduit par la concrétisation réelle et de manière pleine de ce kalima, kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, et tout ce qu'il engendre, et tout ce qu'il comprend, la ilaha illallah. Et également l'ikhlas, qu'est-ce qu'elle va avoir pour résultat, et qui est très important, c'est qu'elle va libérer son auteur de l'esclavage de la passion, riq al-ahwa, ou des passions, de l'esclavage des passions. Parce que celui qui est et qui vit sous sa passion, c'est un esclave, esclave de sa passion. Al-ikhlas, elle va le libérer de cela. Et dans ce sens, regardez encore une belle parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On finit donc par cela. Regardez ce qu'il dit dans cette phrase, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Wa idha kana al-'abdu mukhlisan lillah ishtabahu rabbuh. Lorsque et au moment où la personne elle va devenir mukhlis lillah, donc elle va acquérir cet ikhlas qui est elle pour Allah uniquement, ishtabahu rabbuhu, ishtabahu rabbuhu, c'est-à-dire que son Seigneur va le choisir, fa ahya qalba, et qu'il va donner la vie à son cœur, la véritable vie, la véritable vie, fa ahya qalba wa ishtabadahu ilay, et qu'il va donc le ramener à lui, le rapprocher de lui. فَيَنْسَرِفُ عَنْهُ مَا يُضَادُ ذَلِكَ مِنَ السُّوءِ وَالْفَحْشَى وَيَخَافُ ضِدَّ ذَلِكَ. Et donc il va l'écarter de tout ce qui va à l'encontre de cela, de cet ikhlas, comme le mal, comme la turpitude, etc. بِخِلَافِ الْقَلْبَ الَّذِي لَمْ يُخْلِصْ لِلَّهِ. Au contraire donc du cœur qui lui n'a pas accompli et n'a pas réalisé cet ikhlas en vue d'Allah Azza wa Jal. فَإِنَّ فِيهِ طَلَبًا وَإِرَادَةً وَحُبًّا مُتْلَقًا. C'est-à-dire qu'on va y trouver dans ce cœur-là une demande et une volonté et un amour qui va être mutlaq, qui va être donc absolu. C'est-à-dire, comment on comprend cela, que la demande que son âme va faire, c'est une demande de tout, sans aucune limite, et sans même avoir un regard par rapport à ce qui est licite et illicite. Wa iradatan, sa volonté de même. Wa hubban, également. Elle va tout aimer. Elle va tout vouloir, elle va tout aimer. Tout, que ce soit le faux, elle batil, que ce soit le haq, ou que ce soit le mal, que ce soit le bien, sans aucune différence. Wa hubban mutlaqan. Fayahwi kullama yasnahu lahu. Kullama yasnahu lahu. Yani min al-fi'l sanaha. C'est-à-dire qu'il va prendre pour désir tout ce qui se présente à lui. Il va prendre comme désir et comme passion tout ce qui se présente à lui. Fayahwi kullama yasnahu la wa yatashabbathu bima yahwahu. C'est-à-dire également qu'il va se raccrocher à tout ce qu'il désire et qui rentre dans sa passion. Et ici, il nous fait une métaphore, cher l'islam, une belle métaphore ou une parabole. Et il dit qu'al-rusni, qal-rusni. Et le rusni, c'est bien sûr le rameau, la branche. Ayyunasimin marrabi atafahu wa amala. Atafahu wa amala. Comme al-rusni. Al-rusni qui est donc la branche et le rameau, ou le rameau. Ayyunasimin marrabi. C'est-à-dire n'importe quelle brise qui l'effleure, qui passe par lui. N'importe quelle brise. Que ce soit une brise qui vient de l'est, de l'ouest, du sud, du nord. Ou que ce soit la brise de l'hiver, du printemps ou de l'automne. Ayyunasi min marrabi. Et donc, les fleurs qui passent par lui. Atafahu wa amalahu. C'est-à-dire qu'elle va s'agripper à lui. Et elle l'entraîne en le penchant. Comme on peut voir lorsque le vent il touche le rameau. Lorsque la brise elle touche le rameau. C'est comme ça le cœur de celui qui n'a pas eu d'ikhlas pour Allah Azzawajal. Comme ce rameau qui va être balancé de tous côtés et qui veut, et il brise, chaque brise qui va donc passer par lui va s'agripper à lui et va donc l'entraîner en le penchant. De même est le cœur. Chaque passion qui vient, chaque passion qui passe donc devant ce cœur, elle l'entraîne avec lui directement. Wallah al-musta'an. Donc regardez la métaphore qui est faite et qui est profonde et qui va nous faire réellement comprendre l'importance de l'ikhlas. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.